Soudain l'aube se lève, les premiers rayons visent le sol, roule un cône de verre. Mais moi j'ai le démon vide, je sais. Le peuple sur ma frange, j'y vois plus de magie à décrire. Et plus les soirs avancent, plus je deviens une machine à écrire. Comme les autres paraît que j'ai des capacités, mais je m'en fous. 2016 mesure. Moi et pour les frères qui sont dans le fond, mais que la vie ralentit. Une dernière pour ce rêve qui ment tellement qu'il finira nanti. C'est pas très vers l'intro, le projet est barré. Et je peux t'assurer que ça rigole pas. 2016, tout le monde prend la parole, je balance à nos types. Je m'emballe de tes ordres ou de tes go. L'important c'est de balancer le sonore au micro, pas dans la poubelle d'à côté. Désert, tout roule, ni tour, c'est pas ta quota. Je vais m'opposer la salle pour faire un tour, où les épaves croulent sous un tas de vodka. Ça roule des grosses balles comme d'avocat. Je sors pas de costard, les statues d'avocat. Ma seule arme, c'est mon avocat. La bonne claque. C'est le son d'un produit qui tombe dans ton lit. Les sauts servus, je les transforme en zombies. L'argent c'est notre talon d'Achille. Quand on d'amour rushing, mais on n'est pas élevé par le parc Rothschild.